Hypocrite. Hypocrite. Ça tire en l'air, c'est violent. Tu fais semblant de m'épauler. Tous ces bêtons, on les connaît, cognon. Toi, je les connais. Ah, désolé, c'est désolant. Ils finiront pendus par la langue. Attirés par les Allemands. Tu trahis tes potes pour de l'argent. Y'a des gens qui t'aiment. Et d'autres qui font semblant. Nous on frappe sans gants. Oui c'est sanglant. Y'a des gens qui t'aiment. D'autres qui font semblant. D'autres qui font semblant. Insolent, je te fais du sale sur du violon. On te pêchera de marcher, on vient de mâcher, négro et collant. Il parle sur moi, mais je m'en yanne. Élevé au fond, moi, et à l'igname. Mathe mes tapes, mais elle m'ignore. Les yeux sont sur moi, et je ricane. Y'a des gens qui t'aiment, et d'autres qui font semblant. Nous, on frappe sanglant. Oui, c'est sanglant. Y'a des gens qui t'aiment, d'autres qui font semblant. D'autres qui font semblant. Dans ce monde, t'as vu où je suis? Le monde de la musique. Que des hypocrites, ça te sourit. T'es un bon mon gars. Arrête de mentir, oh là. On te connaît, oh là. Moi, je fais le dis-moi. Moi, t'as vu ce que je veux? C'est pas les disciples que je veux. C'est pas la reine. Je veux la tête du soi-disant roi. Soi-disant roi, j'ai dit.